Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans le temple à Jérusalem, quelques jours après la naissance de Jésus, alors que le temps de la purification, vous savez, ce temps rituel où les femmes qui venaient d'accoucher n'avaient pas le droit ni de prier ni de s'approcher du temple, ce temps étant passé, Marie et Joseph sont entrés dans le temple avec Jésus pour le présenter au Seigneur, comme il est de coutume, le premier garçon. On le présente au Seigneur et on offre pour lui un sacrifice. Alors là, ils vont offrir deux petites colombes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'offrir le grand sacrifice que normalement on doit offrir. Tout ça était prévu par la loi. Et donc Joseph et Marie arrivent avec ce petit enfant. Et vous avez vu, peut-être hier, vous avez lu l'évangile que nous lisons dans la liturgie. C'est d'abord le vieillard Siméon qui va les recevoir. Ce vieillard qui est là, qui est un prophète, qui a reçu la révélation du Seigneur. Un prophète très simple, très caché, bien sûr, qui ne parle pas sur tous les toits. Il est prophète parce qu'il reçoit des révélations de Dieu dans son âme. Il avait reçu cette révélation qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le salut arriver, avant d'avoir vu le Messie. Et donc il arrive, poussé par le Saint-Esprit, dans le temple et il reçoit Jésus dans ses bras. Cette image est tellement belle. Voyez ce prophète, ce vieillard, qui symbolise aussi tout l'Ancien Testament, toute l'alliance que Dieu avait fait avec les hommes, reçoit cet enfant, l'alliance nouvelle. Il le reçoit et il révèle à tout le monde que cet enfant sera un signe de contradiction. Il causera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il révélera les pensées secrètes des cœurs. Alors voyez, ça c'est la première étape de la grande révélation au temple avec ce vieillard Siméon qui en plus de ça va révéler à la Vierge Marie qui commence déjà à pressentir le mystère de la croix alors qu'elle est dans le temple de Jérusalem. Il va lui révéler que un glaive de douleur lui transpercera l'âme à cause de son enfant. C'est déjà, vous voyez, tout l'évangile qui est annoncé ici. Et puis juste après, nous avons cette prophétesse, on dit prophétesse Anne de la tribu d'Azer. Alors c'est très beau cette femme, elle a 84 ans, 2 fois 42, c'est des chiffres symboliques, vous savez tout ça, 42 c'est le chiffre de l'épreuve, comme les 40 ans dans le désert, 42 ans, c'est le chiffre de l'épreuve, elle a fait 2 fois l'épreuve. Vous rendez compte. Donc ça, c'est vraiment une femme extrêmement éprouvée par le Seigneur. Et elle a été mariée 7 ans, sans enfant. Et après son veuvage, qu'est-ce qu'elle a fait? L'évangile est très clair et c'est très beau ce qu'il dit. D'ailleurs, nous devrions vraiment en prendre exemple sur cette femme qui nous est citée comme ça en exemple, bien sûr. Il y a un homme, une femme. Mais mesdames, écoutez bien, elle servait Dieu jour et nuit. Elle servait Dieu jour et nuit. Elle ne s'éloignait pas du temple. Et comment est-ce qu'elle faisait? Elle faisait les fleurs, elle s'occupait de la sacristie, elle s'occupait de je ne sais quoi, du ménage. Non. Mais elle servait Dieu jour et nuit. Comment? Dans le jeûne et dans la prière. Alors ça, c'est quelque chose qui nous étonne, n'est-ce pas? Quand on dit servir le Seigneur, on imagine qu'il faut faire des choses. Il faut faire plein de choses très matérielles. Voyez, elle sert le Seigneur. Comment ça? Dans le jeûne et la prière. Et ça nous étonne doublement parce que parfois quand on dit servir, on imagine qu'il faut faire, il faut s'agiter dans tous les sens. Alors c'est vrai qu'il faut faire et je remercie toutes celles qui travaillent à l'Église et qui nous aident et qui font que cette Église est si belle. Mais ça nous étonne aussi parce qu'on se dit, le jeûne et la prière, c'est pour moi, c'est pour me faire du bien. Non. C'est un service du Seigneur. Quand on jeûne et compris, on sert le Seigneur au plus haut point. C'est-à-dire qu'on prend sur nous une part de la rédemption. Et voilà les serviteurs que le Seigneur recherche. Voilà les serviteurs qui savent aussi reconnaître la présence de Dieu. Et voilà les serviteurs qui vont être les prophètes dont le monde a besoin. Alors, frères et sœurs, il faut que nous réfléchissions nous aussi. Si nous voulons entrer dans cette nouvelle alliance que Dieu nous propose à travers Jésus, si nous acceptons cette mission que le Seigneur nous confie à tous. Il nous confie tous cette mission. Tout chrétien a la mission de servir le Seigneur. Et la servante du Seigneur, c'est le plus grand titre qu'on puisse trouver dans la Bible, c'est le titre des chrétiens. Tout chrétien est un serviteur et une servante du Seigneur. Et il doit le servir avant tout en prenant sur lui, dans son âme, le poids que Dieu lui confie, le poids de la rédemption. Chacun selon ses capacités. Alors, demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui, d'entrer dans cette révélation qui nous est proposée par le Christ. Vous avez vu, hein, dès l'arrivée au temple, le mystère de la croix est là. Ce mystère de la croix, il est là par Siméon qui l'annonce. Voilà, un glaive te transpercera l'âme. Et puis, ce mystère de la croix est là par cette prophétesse Anne qui jeûne et qui prie. Alors que ce mystère commence déjà à nous travailler, nous aussi, et que nous entrions dans cette nouvelle année liturgique, dans ce temps de grâce, en demandant au Seigneur la grâce pour nous de le servir fidèlement dans le jeûne et dans la prière. Et ici, dans cette église, on peut le faire tous les matins, 7h30, prière, adoration, puis les laudes, puis la messe. Et le jeûne, eh bien, chacun peut choisir son jeûne, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.